n'ai plus d'amour qui m'appelle. Tout comme avant à la maison, mon cœur est triste, ma vie chancelle. Je devrais me faire une raison. Mais toi, l'oiseau, tu es fidèle, plus à ton cœur qu'à ta raison. Je te vois passer dans le ciel, tu pars à tire d'aile, où t'appelle ta vie. Je voudrais partir aussi pour chercher dans l'oubli.